Salat, mes frères, le deuxième pilier de l'islam et le pilier le plus important dans la pratique, comme ça a été rapporté d'une manière authentique dans le Muwatta de l'imam Malik selon Omar ibn al-Khattab, il a dit « La havva fil islam liman taraka as-salat » Il n'a aucune part dans l'islam, celui qui a abandonné la salat, celui qui a délaissé la salat. La salat est très importante. Et il ne faut pas que tu sois leurré par Shaitan. Je le répète souvent et je vous recommande de propager ce point dans votre entourage, car il y a beaucoup de gens qui aiment le bien et dans lesquels il y a du bien. Pourtant, Shaitan, il réussit à les éloigner de la salat avec cette ruse. Il leur dit, t'es un hypocrite, tu viens de faire tel péché ou tel péché, et surtout les péchés par lesquels sont éprouvés les jeunes, et surtout encore dans les sociétés occidentales, comme fumer la cigarette, fumer le shit, ou la fornication. Donc, il lui dit, tu viens de faire ça, et comme un hypocrite, tu te rends à la mosquée et tu pries avec les musulmans, t'es un hypocrite, pour lui faire délaisser la salat. Car Shaitan, il sait très bien que tant que cet homme ou cette femme est attachée à la salat, elle se réformera un jour ou un autre, tôt ou tard. Car Allah Azza wa Jalla dit, Inna salat tanha anil fuhsha'i wal munkar. Salat interdit les choses blâmables et les turpitudes. Et quelle réforme peut être espérée? Il lui dit, vas-y jusqu'à ce que tu te réformes et après viens prier. Comme ça tu seras un croyant sincère et non pas un hypocrite qui montre le bien et qui cache le mal. Ça c'est faux, yahi. C'est une ruse de Shaitan. Quelle réforme peut être espérée si tu délaisses la salat? Allah il te dit, salat c'est elle qui va te réformer et qui va t'éloigner du mal et des turpitudes et des choses blâmables. Et Shaitan il te dit non, l'inverse. Et ça de manière générale, quand tu ne prends pas ta science des sources authentiques, tu deviens une proie facile pour Shaitan.